Chapitre 89, suite de la lettre de Julien, jeudi matin. Ne voilà-t-il pas une autre affaire, Jean-Joseph ? Une tempête qui nous assaille ? Une tempête méchante comme tout. C'était un vent comme vous n'en avez jamais vu, bien sûr. Et tant mieux pour vous, Jean-Joseph, de ne pas connaître cela. Les vagues se heurtaient les unes les autres, hautes comme des montagnes, et avec un bruit pareil à celui du canon. Par moments, elles emportaient le navire, et nous avec, tout en l'air. Et puis après, elle nous rejetait tout en bas, comme pour nous mettre en pièces. Elle passait sans cesse par-dessus le pont, et les matelots, qui sont des hommes bien braves, allez, Jean-Joseph, les matelots avaient des figures sombres comme des gens qui auraient peur de mourir, mais peur en eux-mêmes, sans en dire un mot aux autres. Jugez si le cœur me battait à moi. Je ne cessais de prier le bon Dieu de nous secourir. Je pensais à toutes sortes de choses d'autrefois, qui me rendaient plus triste encore. Je me souvenais des belles prairies de l'Auvergne, où on marche tranquillement sans avoir peur d'être englouti, et j'aurais bien aimé entendre les mugissements de vos grandes vaches rouges au lieu des grondements terribles de l'océan qui nous secouaient. Tout d'un coup, Jean-Joseph, voilà un bruit effroyable qui se fait entendre. J'en ai fermé les yeux d'épouvante. Je pensais, c'est fini bien sûr, le navire est en morceaux. Rassure-toi, mon Julien, m'a dit alors André, c'est le grand mât qui s'est rompu. Mais nous en avons un de rechange. Notre oncle France, c'est son métier de charpentier. Il réparera cette avarie. Mais malgré tout, j'avais peur encore. Enfin, pour en finir, Jean-Joseph, vous saurez que la tempête a duré de cette manière un jour tout entier. Le soir, elle s'est calmée. Dors sans inquiétude, petit Julien, m'a dit mon oncle. Comme en effet, je n'entendais plus le vent siffler et la mer gronder, je me suis mis à remercier Dieu de tout mon cœur et à m'endormir bien content. C'était hier tout cela, Jean-Joseph, et aujourd'hui, pendant que j'en avais la mémoire fraîche, je vous ai tout raconté. Maintenant, quand vous penserez à nous, Jean-Joseph, priez le bon Dieu pour que ces vilaines tempêtes ne reviennent pas, car il paraît que c'est le moment de l'année où il y en a beaucoup. Nous avons encore bien des jours à passer sur le navire Le Poitou, et il y a des endroits très mauvais où on va aller, les côtes de la Bretagne par exemple, et aussi les falaises de Normandie. Ces côtes-là, c'est tout plein de récifs, m'ont dit les matelots. Les récifs, voyez-vous, ce sont des rochers sous l'eau. Il y en a de pointus qui défoncent les navires quand le grand vent les pousse dessus. Bref, Jean-Joseph, tout cela est un peu triste. Mais que voulez-vous? Il n'arrive que ce que Dieu permet, et alors à la volonté de Dieu. Cela fait que personne ne se désole. Tout le monde rit et travaille d'un bon courage ici, moi comme les autres. Allons, si je continue, ma lettre n'aura pas de fin. Je vous embrasse donc bien vite, mon cher Jean-Joseph, et je prie Dieu pour que nous nous revoyions un jour. Votre ami Julien.